Ça y est, il revient, il est tout feu tout flamme et il commence à foutre le bordel. C'est incroyable. C'est Thibaut. Bah ouais, mais tu lances les numéros du loto comme ça, personne n'écoute. Je donnais les numéros des micros qui étaient à ouvrir parce que tu sais, il faut que je m'en rappelle, donc je les mémorise en les disant. Le A, le 3, le 4, le 6 et le 7. Voilà. Si vous avez ces numéros. Non, c'est pas le numéro gagnant. Bon. Donc il y a aussi Jamie, il y a aussi. Célia. Bonjour Célia. Et puis, en deuxième semaine, parce que, bah, je sais pas, tu t'ennuyais, alors tu t'es dit bah, que t'allais essayer de venir repasser de la ZIC. Ouais, c'est ça. C'est Pierre. On commence tous comme ça, Pierre. Hein. Après, tu vas venir toutes les semaines. Et... ouais. Il y a un bon accueil, hein, c'est cool. Ouais. Ouais, bah ça va. En plus, on a tous ramené quelque chose à boire. Et vu que le frigo était vide, bon, bah maintenant il va être plein. Il va falloir tout boire avant de partir. Hein, donc, c'est à 21h05, il faut que tout soit vide. Et bon, on fait comme ça alors. Voilà. Bah, on lance la musique et puis on passe à côté. Bah là, en plus, on a déjà 1h15, peut-être même un peu plus. Enfin, non, 1h15 secondes de zig. Donc, comme la semaine dernière, on pourrait commencer. Non, on va commencer par quand même quelque chose qui va passer. C'est demain au CCL en compagnie de Meurtrière et Dionysiac que j'ai nommé Psychrophore qui vont vous faire un petit concert de derrière les fagots et ceux qui ne pourraient pas d'aventure assister à ce concert de demain soir au Centre Culturel Libertaire à Lille pourront se reporter le lendemain vendredi au Pits à Courtrai. J'allais dire à Ypres. Oh là là. Non c'est pas à Ypres. Au Pits où ils pourront voir les trois mêmes groupes donc bah, Avla, Psychrophore Why Should We Care, bah, non pas Why Should, ça c'est le nom de l'album, c'est When You Grow Up, donc en fait où ça raconte que bah, on vous raconte toujours, on essaie de vous mettre dans des cases, vous voulez pas, enfin je suppose, hein, vu que vous êtes ici, c'est bah, que non. Vous êtes un peu des rejets de la société, quoi, des rebuts, hein. Bon sauf le manager là, qui est en face de moi. Je suis en castana, moi. Voilà. Et puis, mais par contre, il faut jamais grandir, hein. Donc quand te dire, bah, quand tu seras grand, tu seras grand, tu comprendras. En fait, tu comprends jamais. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais compris. Hein. When You Grow Up par Psychrophore. Rendez-vous demain au CCL. encore une affaire qui se noue sous vos yeux. Sans trompette. Bientôt Psychonfort à Paris. Sans trompette, bien sûr. À moins qu'il y ait un nouvel instrument dans Psychonfort, je sais pas, là, il y a le guitariste qui est là dans le hall en train de boire sa bière. En révisant. Non, il veut pas mettre de la trompette. Bon, ben, en fait, c'est Pierre qui va mettre de la trompette maintenant. Dans Pyongyang City Rockers. Ouais, cool. Et j'ai même pas dit que c'était Pyongyang City Rockers numéro 312. Ah ouais, numéro 312. Tellement on était partis là sur notre envolée exaltante. J'étais à Ypres alors qu'en fait, on est à Villeneuve-d'Ascq. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais il faudrait que tu ailles au Pits un jour. C'est vrai que ça sera à Courtrai comme ça. Ouais. Un jour, je finirai par y aller. Trompette ? Eh ben ouais. Bah, les Queens of Everything. Oh yeah. Donc ça c'est un groupe de République Tchèque. Carrément, je me rappelle d'un super concert à la Bulle à l'époque. Ouais, c'était Gaël qui l'avait organisé. Ouais, c'était rentré. Il laisse pas parler là, il va pas. Bah non, mais si on se remémore la Bulle, voilà, ouais, c'était à l'homme. Ah ouais, mais c'est moi qui ai refilé la date justement à Gaël. Ah, trop bien. Voilà, c'est des vieux copains les gars. C'est au Bubble, c'est pas à la Bulle déjà. Au Bubble, j'ai dit au Bubble, j'ai dit à la Bulle. La Bulle, t'as dit. J'ai dit la Bulle, Mercenaries, je crois. Mercenaries, non? Ah ouais, carrément, c'était que Mercenaries, carrément, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, j'y étais pas. Je me souviens, j'y étais pas. Ah non, ça a l'air d'être sympa. Bon, donc on les avait fait après à Paris, et puis là, ils sont cool. Très, très. Et donc, il y a combien de trompettes là-dedans? Il y a une trompette, saxo, trombone, guitare, contrebasse, batterie. Ah bon, ça va, contrebasse, voilà. J'achète. C'est un peu rockab, punk rock, ska, c'est cool. Ils savent plus quoi faire les jeunes d'Aster. Hein. Le montant on écoutait Elvis, je sais pas quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Ah, bon, Queens of Everything, tu te rappelles du titre? Price I Pay. Tout. Tout? Ouais. Oh, ok. À Courtrai. Tu l'auras voulu. Oh putain, c'est bien le Queen's Racing. J'ai vraiment raté de pas les avoir vus. Mmh. Voilà. En plus, apparemment, comme tous les Tchèques, c'est des bons buveurs. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est des gens sérieux. Quoi. Ouais, ils ont le record de. De pivot. Ouais. Ah ouais, ils avaient vidé tous les fûts à Dijon. Ils jouaient dans la petite salle de Dijon, je sais plus comment elle s'appelle. Et vraiment, le barman avait été choqué par leur consommation. Et vraiment, c'était le record. Et voilà, il veut les refaire, il veut les réinviter à Dijon. Donc. Nous aussi à Paris. J'ai vu une carte avec une carte de l'Europe avec trois cercles. Un cercle qui montre l'emprise de la bière, un autre cercle qui montre l'emprise de la vodka, et un troisième cercle qui montre l'emprise du vin. Et en fait, le seul pays qui soit à l'intersection de ces trois emprises, c'est la Tchéquie. C'est pas étonnant. Ce qui peut expliquer. Tous les ans, on va au Mighty Sound, on va au Mighty Sound Festival. Et c'est vrai que c'est cool. Bon, c'est où ça? C'est en dessous de Prague, à Tabor. D'accord. C'est à 1 heure de Prague et ouais, un festival punk, hardcore, ska. Donc tout ce que j'aime bien. Il faut qu'il y ait de la trompette. Ah bah bien sûr. Ouais. Okay, un max. T'as de la trompette Je sais pas si j'ai de la trompette, non. Mais. Mais t'as pas de la trompette, mais t'as une cassette. Ouais. T'as vu. On a déjà passé un titre ici, dans ma parka. C'est Puggy et les cafards. Et les cafards. Ouais. Tiens, d'ailleurs, chez moi, il commence à y en avoir des cafards sur les murs et tout. Ah bah, tu pourras jouer avec eux, alors. Mais c'est au premier étage, ils font un élevage, et puis en fait, ils foutent spooch. Leur merde. Ouais, bah ouais. Non, je rigole. Et ouais, on va écouter ça, c'est pour dire au revoir au plus grand rocker français. Ah ouais. Johnny. Quoi? C'est quoi? C'est pas Dick? Ah bah, pour eux, c'est Johnny, tu vois. D'accord. Ouais. Je me pose toujours la question, est-ce que la cassette elle démarre automatiquement si je lance le bouton? Voilà, avant c'était comme ça, c'est bon. À une époque. Mais donc Poggy et les cafards. Poggy. Alors non, ça démarre pas tout seul, il faut que voilà, il faut meubler. La cassette. Ceci est une commode. T'as le temps de. C'est sur on aussi. Tu peux parler encore deux secondes. Ah bah oui, forcément, c'est pas allumé. Là, ça va marcher. Ceci est une table basse. Ça marche? Ouais. Ça va vite. On a été farcés. Et tu peux en dire c'est tellement léger que c'est Poggy et les cafards. Et les cafards, c'est quoi un cafard? Ben, c'est comme un cafard, mais cafard. D'accord, ok. Un peu plus balèze, quoi. Ouais. C'est un cafard qui boit du kéfir, mais il est un peu bobo, quoi, tu vois. Ouais, voilà, c'est un hippie, quoi. Ah, voilà, mais oui, bah, ça, c'est plus que chaud ici, hein, tu sais. Même les gens rasés, c'est des hippies. Ils ont des poules à la campagne en Belgique, alors, tu sais, chaud. Ouais. Je veux parler. Ouais. Voilà. Encore, rebut de la cassette pour arrêter le. Voilà. Ah, ça, on y est. Là, on sait que c'est du light. On est vraiment sur un état du light aussi. C'était, t'as aussi du Star Shooter comme Jamie ou quoi? Non, j'ai pas Star Shooter, moi. Ouais, ça fait un peu Star Shoot quand même, non? Bah ouais, c'est léger, quoi. Ouais, c'est mimine. Ouais. C'est trop chouchou. Ils ont déjà joué à Lille? Je sais plus. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Bon, bah faudrait faire jouer un jour. Ouais, carrément. Si on a envie de légèreté. Une organisation nimbée de mystère qui devrait passer normalement la semaine prochaine. Kéfar Molotov. Pyongyang Steelwalkers, il y aura Kawaii et Molotov. Ouais, normalement, ouais, avec Kawaii et Molotov. Avec Kawaii, Molotov et Molotov 2. Molotov 2. On a un nouveau, voilà. Ok, d'accord. Chaud patate. Mais tu sais, bah, tu vas voir qui c'est. Tu auras peut-être venir aussi avec l'asso, qui s'occupe de notre cantine ce soir-là, qui font des belles choses aussi et tout ça, mais on va pas spoiler. Faut pas dire qui c'est, donc. Non, faut pas dire qui c'est. Faut pas, surtout pas faire entendre la voix des gens. Mais si, on va dire tout ça la semaine prochaine. Mais j'ai pas envie de dire de conneries, alors pour l'instant, je préfère juste teaser comme ça, vite fait. Ouais. Bah justement, après, on y va dans le long. Pendant qu'il y en a qui tisent derrière. T-E-A, comme le T, tu vois. Ah. Plutôt que de leur bière. Ah, enfin, le T. En tout cas, le morceau que je vous passe ce soir, c'est issu du nouvel EP donc de Filature, qui nous vient de Toulouse, que j'avais passé du coup l'année dernière. Et j'étais très content de revoir ce groupe respawné, qui sort du coup là un très beau 5 titres. Voilà, ça a été mixé, masterisé, enregistré par Jackie Cadieu. Oh, tu sais, à la Northern Don Bombe. Non, attends, c'est en fait, j'ai des bêtises. C'est à Dead Air Studio, mais tout ce qui est enregistrement mix, c'est Jackie, voilà, qui fait tout ce bon travail aussi pour Syndrome Cavin. 80 et tant d'autres. Bon, ah, alors... mais toi aussi, Syndrome Cavin, c'est un sac à vin en fait. C'est ça, ouais, je suis au croisement entre plein de trucs. Ok. Voilà. Comme et à donc, Toulouse, quoi. Ouais, c'est ça, comme à Toulouse. Bon. Et Jackie, il fait du tuning ou pas? Eh bah, ben, on lui demandera à l'occasion. Jackie, si tu fais du tuning, appelle-nous. Voilà. Donc, la première chanson de cet album s'appelle Capital. Et elle est incroyable, voilà. Les paroles, tout ça. Nature. Faudrait les annoncer quand même. Ouais, parce que c'est vrai que Donc c'était Filature hein, sur les ondes de Radio Campus. C'est un morceau qui s'appelle Capital. Ils viennent de Toulouse et du coup Stéphane ouais, nous ils sont fumés aussi. Hein. Ils ont sont fumés. Saucisse, c'est important. Ouais. Ouais. En fait, je sais pas trop de quoi ça cause, mais bon, bref. Bah, en fait, prennent pour la capitale du monde. Non, mais en fait, c'est exactement ce que tu disais par rapport à ton anecdote que tu avais hors antenne. Vas-y, raconte, en fait, ça a été super intéressant. Tout le genre déjà qui avait parlé de capitale par rapport à toutes les villes qui veulent. Ils étaient contre le régionalisme. C'est Fabulous Roubadour qui faisait pas du tout du punk ou du hardcore, quoi, qui avait une façon de faire les choses un peu à l'arrache, bien comme il faut, quoi. Et Fabulous Troubadour, eux, leur truc, c'était de dire que le régionalisme, c'est de la connerie, c'est de la régression, et qu'à la place, il faut que chaque ville, y compris la plus infime sous-préfecture, comme par exemple Marescalec-Micourt. Tulle. Tu connais ? Non. Tu connais pas Marescalec-Micourt ? C'est même pas une sous-préf. que chaque ville soit sa propre capitale, pour s'imposer dans le game, tu vois, puis qu'il n'y ait pas de ville au-dessus des autres, etc. Dire, ah ouais, à Lille, c'est mieux qu'à Brest, et puis à Brest, c'est mieux qu'à Nancy. Non, c'est des conneries. Roubaix, c'est le centre du monde, voilà, ouais. Tout ça. Aussi, c'est vrai que Roubaix est le centre du monde quand on y est, mais si on est ailleurs, c'est ailleurs, le centre du monde. Voilà, et donc c'était ça l'anecdote. Ok, oui. Très bien. Youpi. Ouais. Où je dis ça. Ouais, et donc ouais. Leur son, il est franchement bien. Enfin, c'est une cassette aussi. Ouais, les deux trucs. Enfin, ouais, c'est sorti sur cassette et c'est sorti sur vinyle aussi. Ils sont vicelards et ils mettent leur cassette sur Bandcamp sans réviser le son. C'est bien. Ouais, non, mais enfin, voilà, j'imagine. Bon, après, c'est quand même mixé, masterisé. Voilà, normalement, ouais. C'est censé bien passer partout. Ouais, sauf ici, quoi. Enfin, c'est parce que, en fait, c'est l'ordinateur qui est tout pourri, quoi. On l'a récupéré sur Bandcamp directement. Ouais. Heureusement, toi, Pierre, tu as de la musique qui est bien mixée, bien enregistrée, bien masterisée. Ouais, bien téléchargée sur YouTube, nickel. Donc quand t'as des cymbales, ça fait ksh. Ouais, bien sûr. D'accord. Ouais, évidemment. C'est bien. Heureusement que ça fait pas plouf, parce que c'est mieux que ça fait ksh, quand même. Ouais, c'est sûr. Le poète. J'aime bien, il y a des gros blancs en tête, ce qu'il raconte. Et du coup, Red Demon, ouais, c'est un groupe de metal ska. Ok. Voilà. Je m'en vais. Vous êtes prévenus. du metal ska, c'est Pook qui joue dans Filaments. Oh. Qui est du coup tromboniste et chanteur de ce groupe-là. Mmh. On les a fait à Paris avec Sick My Duck il y a quelques mois. C'était super cool. Avec Public Serpent et Union Jack. Ouais, ah, c'est bien ça. Ouais, c'était cool. Et alors, ça marche bien, je veux dire, le métal et le ska. C'est assez incroyable. Ouais, en live, c'est. On avait écouté déjà avant de les faire, on a pris une bonne claque. Et en live, non, vraiment, c'était assez incroyable. Et ils se présentent comme ça. Ouais, ils se présentent vraiment en métal ska, ça scream et en même temps, ça joue du trombone, quoi. Bon. Ouais, vous allez voir. Ça scream, enfin, ça criait déjà beaucoup d'enfilement. Hein, ouais. Mais c'était pas lui le chanteur. Oui, non, oui, tout à fait. Et là, c'est lui qui. Là, c'est lui qui chante et joue du trombone en même temps. En même temps. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est fou. Non, c'est complètement fou. Il en faut des filaments. C'est complètement fou. Et donc, le titre. Ah, ça, je sais plus. Pressure Switch. Et voilà. Ready Moon. t'as vu quand même, on a la toquante dans la tête. Et donc, du coup, bah voilà quoi. Le timing, le timing. Juste quand ça s'arrête. Par contre, il y en a une qui court dans le couloir, c'est Célia, parce qu'elle voulait passer un truc. Et donc, ouais, c'est quand même assez particulier, hein, le Demon. Bon, ah ouais, c'est vraiment particulier. C'est vraiment metal et ska. Ouais. C'est pas rien à voir avec le ska punk ou quoi que ce soit. Mais alors, ça plaît quand même à la fois au ska et au ska people et puis au chevelu. Ouais, ouais, grave. Ouais. Ouais, bah, j'ai plus vu dans les concerts d'Oscar. J'ai pas trop vu avec des métalleux en face, mais. Mais ouais, non, ça scream vraiment métal, quoi. Ça sonne vraiment métal, c'est fou. C'est bah voilà, c'est tout. Alors, métal aussi, est-ce que tu veux poser? Ah non, moi, garage. Par contre, je l'ai trouvé, voilà. Tac. C'est ça, je vais vous passer un morceau de Bad Nerves. On est déjà passé ici. Et là, ils ont un nouveau morceau qui est sorti au mois de septembre. Donc j'imagine que ça va peut-être amener un nouvel album plus tard. Ouais. Il joue là dans pas longtemps. Il joue à Lessines samedi et hier il joue à Paris. Il joue à Paris, c'était beaucoup moins cher à Paris que à Lessines, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis surtout que j'y suis allé avec une copine qui a gagné des places avec un concours, du coup c'était cool. C'était vraiment chouette. Ah oui, je vois ta copine. Bon, j'ai pas grand chose à dire de plus. Ouais, c'est de la power pop punk, enfin, un peu garage aussi. Bravo. C'est des Anglais. Ça va nous calmer après le Demon. C'est ça. Et le morceau, il s'appelle USA parce qu'ils ont fait une tournée là-bas. Ah, et donc, ça leur a tourné la tête et maintenant, ils veulent déménager. Non, je suis pas sûr. Mais... Bon, allez, bonnes nerfs. Boum. S'il vous plaît. Ça crie. Ouais. Bon, bah voilà. Hein. C'est enfin, quand on dit power pop, moi j'ai toujours tendance à penser que c'est des trucs un petit peu. Enfin, ouais, vraiment pop quoi. Enfin, oui, non, là. Mais là, c'est très très power quand même. C'est très très punk. Hein. Putain, un autre garage, je sais pas. Donc, ouais. Et donc, c'était bien. C'était trop bien. Bon, bah peut-être que les gens qui ont plein de sous iront à Lessines et puis au centre culturel René Magritte à Lessines pour assister à ce concert de Bad Nerves. Je sais même plus qui, c'est marqué sur punk.org avec qui joue. À vérifier. Ouais, à vérifier. Ouais. Bon, eh bien Gaël, vous avez remarqué, Gaël n'est pas là. Les Belges sont restés dans leur Belgique. Et je vais quand même présenter la prochaine nouvelle sortie de Mawashi Discac. Vu que c'est deux groupes basques, hein. Non, j'ai dit yes. Yes. Oui, enfin... J'étais d'accord. Et donc, bah, c'est un split Streetwise RNSace. Je pense que je ne vais pas passer à RNSace ce soir. J'en présente toutes mes excuses à Gaël, qui, je suis sûr, nous écoute en ce moment. Là, il est derrière son radio. Ouais. Ah bah ouais, et il vérifie. Par contre, je vais passer Streetwise, parce que quand même, moi, là, c'est, moi Streetwise, c'est mon petit cœur qui parle. Hein. Voici, ils vont nous parler d'un œil, mais quel œil, je ne sais pas. Le tien, le leur, bon, pas celui de Le Pen, en tout cas. Ou alors celui qui est crevé. oui. Pas. Et donc c'est Beggy Bat, un œil par Streetwise. C'est le numéro MSR002 chez les Mawashi Records, Mawashi Discac pour cette fois-ci, vu que c'est deux groupes basques. Voici donc Streetwise, Beggy Bat. C'est vraiment toujours excellent ce Streetwise. Un peu trop de tête de gratte, mais franchement, ça passe du miel. Allez. De la Guinness. De la c'est Guinness. De la Guinness. Mais ouais, la Guinness. L'autoroute, autobahn. Voilà. Et donc, c'est la prochaine sortie chez Mawashi Records, Streetwise, en split avec RN6, si vous préférez. Qui, quoi, quand, où, pourquoi et par quel moyen, je ne sais plus. C'est Jamo, je crois. C'est moi. Jamo. Ouais. Ah ouais, c'est Jamo. Bonjour, Jamo, ça va ? Bonjour, ça va. Je suis un peu impressionné. Oui, j'ai oublié de dire, bon, vous êtes sur Campus, c'est Pyongyang City Rockers, il est 20h40, presque, et on a encore jusqu'à 21h. On a envie de se presser pour passer de la musique. Bon, alors, allez. Je vais passer Clondeur, que jeunesse se fasse. Se passe, ouais, ça y est. Que jeunesse se passe. Et il faut se rappeler que ça date de 2017. Ouais, 2017, bon cru. Ah ouais. Bon cru, ouais. Oh, t'as goûté ? Et c'est aussi une cassette. Ouais, bon, mais bon. Je ne l'ai pas sur moi. Non, mais elle est là dans le machin. Dans le computer. Voilà. Et sans clic. Allez, sans allons-y. Allez, boum. On dort. Voilà, oui. Le son fumé, le son qu'il vous faut, c'est sur Pure Gangsta Rockers, bien sûr. C'était Condor. Ah oui. Que jeunesse se passe. Mais en fait, ça va à l'inverse de ce qu'on disait par rapport à Psychrophore au début de l'émission. Bref. Hein, ouais, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Ça, ouais. Bon, Pierre, t'es là, là ? Bah ouais. Bah alors ? Bah bien sûr, je suis là. Il prend les mesures. Je peux pas lire. Eh ben, on va passer un morceau des Slackers. Ah ouais. Bah ouais, c'est les copains qu'on a fait jouer plein de fois aussi et qu'on va sûrement refaire jouer l'année prochaine en octobre. Donc là, c'est encore à confirmer, mais c'est bien parti pour. Octobre 2024. C'est ça. D'accord. Déjà. Ouais. On est déjà en train de booker pour l'année prochaine, donc. Mais on est en train de faire une belle date, sûrement au Balladjo aussi, comme l'année dernière. Ah, on avait déjà dit de quoi il s'agissait à l'antenne la semaine dernière. Je sais plus. Le Balladjo. Je sais plus. C'est une salle d'accordéon au départ. Ouais, c'est ça. De baloche. Ah ouais, complètement. Ouais. Voilà. Super old school, déco complètement old school. Paris même. Ouais, dans Paris, rue de la Pape Bastille. C'est ouais, c'était un vieux truc de mafioso. Et c'est resté dans son jus. C'est ouf. Je crois qu'Edith Piaf s'est marié là-bas, je crois. Les capitales, comme on disait tout à l'heure. C'est ça. Quoi, la meilleure capitale, c'est Tourcoing ? C'est ça. Non, non, surtout de mon pote Tourcoing. Bah non. Hein. Il est complètement roubaisien, lui, maintenant. Et donc, Slackers, bah, donc. Je veux pas de Darmanin, surtout. Sois gentil, sois bon. C'est ce qu'ils vont te dire, les Slackers. Ok. Tu peux l'annoncer. Well, you must be good. Les Slackers. Ok. Must be good. Ouais, ce petit final là, c'est toujours bien. Les Slackers. Puis là, il y a vraiment de la trompette. Ouais. Bon, j'ai un baratin à faire. Toute la soirée. 10 ans de cela en arrière, Lucan Distro se matérialisait dans un attaché caisse de récup. Dans les marges de nos emplois du temps plus que débordants, il fallait regrouper les adresses notées à la volée, contacts littéraires et fanzinesques, petits papiers chiffonnés au fond de nos poches ou récoltés dans les méandres de la toile. Nous continuons de traballer cette même valise dont la poignée grince à chaque pas et que nous maudissons également à chacun d'entre eux vu son poids. L'idée de départ était de distribuer à prix libre les fanzines, les livres, revues et brochures que l'on voulait soutenir, dont on voulait parler et faire la promotion. La quasi-totalité de ce que nous distribuons depuis lors est une affaire de cœur, de passion, de rencontre et de politique. Difficile et même peu opportun pour nous de donner une hiérarchie à toutes ces choses ou d'en questionner la pertinence. On s'était promis de ne pas tourner en label parce que trimballer une valise de 20 kilos, c'est une chose, car on n'avait vraiment pas envie d'avoir en plus un bac de vinyle sur les bras. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Lucan Distro, puisque c'est Lucan qui nous parle en ce moment, a donc participé à quelques EP et cassettes comme Macache EP de 2014, Macache EP de 2016, Angry Silence démo de 2021, Angry Silence LP 2022, Psychrophore LP 2022 et Bakounine LP 2023. Depuis une paire d'années, la distro est accompagnée d'un petit bac de linogravure à prix libre quand la place le permet. Sachez qu'il alimente directement les caisses de la distro et nous permet de gérer nos comptes de manière moins stressante. Rassurez-vous, notre slogan originel est toujours valable. Lucan Distro en déficit depuis 2013. Nous menons notre barque au gré de l'inspiration, des hasards et de ce qui nourrit et enchante notre quotidien. Nous découvrons, lisons, lions. Et si le contenu nous parle, alors nous prenons contact et hop, du neuf arrive en distro. Nous ne sommes pas des spécialistes du monde de l'édition ou de la distribution, mais si nous pouvions augmenter et ou maintenir le débit de textes, d'idées qui s'élaborent autour de nous, alors nous estimerions avoir bien rempli la mission qui est la nôtre. D'autres ont très bien distribué avant nous, continuent de le faire et on espère que certaines se saisiront du bâton de relais à l'avenir sans attendre ni validation ni feu vert de personne. Aujourd'hui, c'est l'occasion de célébrer cette signifiante chaîne humaine composée de bonne volonté et d'acharnés qui ne marquerions pas le coup aujourd'hui. Ce n'est pas rien ce qui existe là sous nos yeux. Nous reprenons une bonne tranche de punk avec celles et ceux qui sont présentes depuis nos débuts, comme avec les derniers arrivés qui font souffler un vent de fraîcheur et de changement dans notre scène. Nous fêtons nos amitiés, ceux et celles qui ne sont pas ou plus là, nos connexions et nos collectifs. Et c'est important de prendre un petit moment pour ça ensemble. Merci à ceux et à celles qui continuent d'écrire, qui partagent, qui dessinent, qui cuisinent, qui luttent et qui ne se rendent pas encore à la frigidité du désespoir. On se retrouve donc dimanche 9 octobre au Centre Culturel Libertaire 4 rue de Colmar à Lille pour le 10e anniversaire de Lucan Distro. Il y aura de la distro, il y aura à manger et puis il y aura des groupes dont Chicken Skull, Camellia Sinensis, Crocodile et Short Days. Voilà. Rendez-vous est donc donné ce dimanche au CCL et voici maintenant tout de suite les gens de Chicken Skull avec un petit truc assez mélodieux quand même, pas de temps. Que Ripple est en train de nous raconter l'anecdote sur Chicken Skull. Sur chaque groupe, il y a une anecdote. C'est moi, ça me... Ça me sidère. Tu me sidères. Il a joué avec tout le monde. Même avec des gens qui ne voulaient pas jouer avec. Hein. J'ai l'impression. Mais ce n'était pas Chicken Scott, c'était un autre groupe dans le même concert. Bref, on en parlera une autre fois quand il viendra passer du grind. Pour l'instant, tu restes de l'autre côté, là, derrière la vitre, et puis c'est tout. Et Pierre, tu passes de la musique parce que j'en ai décidé ainsi. Waouh. Ouais, comme ça, toi. Ouais, bah ouais, non, j'ai comme des ordres et tout. C'est Pyongyang Sea Rockers. Ouais, bah d'accord. Et bah, Manic Hispanic. Ça doit être nos artistes, je crois. Non, c'est bon, t'as trouvé ? Ok. Et ben ouais, Manic Hispanic, ça vient tout juste de sortir. Le groupe est vieux, c'était formé par Steve Soto à la base, qui jouait dans The Adolescence. Ah oui, qui est mort. Qui est mort, voilà, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Ça sort. Et maintenant, c'est Ephraim de Voodoo Gluskull qui a repris. Ah. Ouais. Et en fait, ils font plein de reprises de punk rock, ska et compagnie, qui reprennent en mode mexicain. Ah, okay. Et c'est bien n'importe quoi. Le titre. Ouais, ouais, c'est ça. Allez, dis-le. Voilà. Message to you, Shanti. Ça finit un peu plus vite qu'on pensait. Voilà, t'as ton micro comme ça. Ouais, c'est bon, nickel. Ouais. C'est bien. En plus, ça rajoute au quota de trompette. C'est ça, toujours. Donc plus. C'est bon, toujours tu seras plus. Pas mis à feu, quoi. C'est bien. Et ouf. Tu pourras revenir. On s'est habitué à Shunti. Oui. Alors, on sait pas ce que ça veut dire Shunti. Hein. C-H-U-N-T-I. On va savoir. Je pense ouais. C'est encore un truc. C'est de l'argot de Tijuana. Ouais, ça doit être ça. C'est pas. Et ben écoutez, il nous reste le temps juste de passer un truc que je vais lancer maintenant sous vos yeux ébahis. Ébahis. Oreilles. C'est ça. C'est un groupe de punk de Columbus. Pour aller repasser quand même. Hein. Ça, ouais. Je repasserai un autre morceau la semaine prochaine. Pas... Non, la semaine d'après. Ah oui, la semaine d'après. Et voilà. Ben voilà, il nous reste 30 secondes pour dire au revoir. C'est Trognon sur au cœur numéro 312 qui se termine sur Campus. Restez à l'écoute bien dans quelques secondes. Il y a Damien avec Tim Grinder. Et ensuite B-Boy Bouillabaisse. Et on terminera cette session de soirée de Campus avec la fine équipe de Sursou. Comme moi. Yeah! Rap musique! Allez, on dit au revoir à la semaine prochaine. Au revoir. On n'oublie pas. Un câble.